On l'égorge pas. Est-ce que Urgence... Qui? On se calme. Est-ce que Urgence Dentier est là? Est-ce que les pompiers sont là? Est-ce que la police sont là? Non, la police est là. Est-ce que la police est là? Est-ce que mon psychanalyste est là? Il n'y a personne d'arrivé. On peut pas commencer l'émission. Pourquoi? J'ai trop de craintes. Des craintes? Là, j'ai beaucoup de... J'ai des peurs. Ah, mon Dieu. Pas encore, mais toujours, moi. J'ai peur que tout se détraque. Ben, ça va faire une bonne émission. Que tout se décompose. Ben, c'est ça qu'on veut. Que tout dérape. Ben, c'est comme ça. Que tout s'en aille dans toutes les directions sans jamais se centraliser. Oh! Ça va bien? Non, pas vraiment. Comment ça? Ben, j'ai dit, comme je l'ai dit, on peut pas ouvrir. Est-ce que vous pouvez ouvrir le micro? Mon petit champion? Oui, c'est déjà fait. Oh, mon Dieu Seigneur. On le sent pas, hein? Ben non, micro fermé ou ouvert, ça sent pas. Ah oui, ça... Là, il est ouvert, hein? Ça sent l'ouverture, hein? Ça sent bon, c'est... Ben, arrête de sentir ton micro, quoi, que c'est la première fois à une émission. Non, c'est plus... Nous, c'est fréquent. Mais normalement, dans des émissions radiophoniques, on sent pas le micro. Ben, heureusement, les auditeurs l'entendent. Ils ont... Ben, voyons donc, oui. Attends, monte le son, Régent. Monsieur dit qu'on entend le micro. Ben non, on entend les sons dans le micro. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, on est en communication. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Merci. Non, non, non, merci. Mais monsieur, on vous applaudit. Vous avez tellement le goût. Non, non, non, non, non, non. Oui. Non, mais sans les pompiers, sans les ambulanciers. Sans la popo, la popo, la popo, la qui? La popoliche. Sans Urgence Dentier, moi, là, il n'y a pas de colle. Non, non, il n'y a pas de colle là-dedans. On ne tente pas de t'attraper, j'espère, là. Je suis pas un colibri. Oh! Quoique, tu vois l'arrogance du colibri, tu trouves, hein? Est-ce que, fondamentalement, là, regarde-moi, là, est-ce que j'ai le profil du colibri? Un colibri gigantesque? Oui. Un colibri monstrueux? Oui. Un colibri immensément laid? Oui. Un colibri qui n'a pas l'air d'un colibri? Ben oui, t'as le profil du colibri. Ah, oh, merci. Sans colibri. Ah, oh, mon Dieu. Deux colibris, monsieur, avec de la glace. Veux-tu de la glace dans ton colibri? Oh, non, mais brassez-le pas, hein, il risque de s'envoler. De s'envoler comme Et comme le colibri, OK. Ah, non, non, mais c'est beau, c'est bon, c'est merveilleux. Le temps est beau, le ciel est bleu. Tu l'aimes, celle-là? Ah, oh, mon, je l'aime. Monsieur le Président! Je l'aime. Parles-tu de Chloé Mons? Oh, je l'aime, cet artiste. On y va. Oui, OK, attention, Monsieur le Président. Chloé Mons. Monsieur, il n'est pas trop catholique. Chloé Mons. C'est pas ésotérique, non. C'est pas du tout ésotérique. C'est sous-jacent dans l'inconscient collectif. Oh, c'est oui, le collectif adore sa musique, adore sa prestation scénique, adore la bête de scène. Tu parles-tu de toi, là? Mais non, je parle de Chloé Mons. Oh, mon Dieu. Monsieur le Président, je suis pas sur scène, moi, là. Quoique la scène de la vie te sied très bien. Mais merci, monsieur le colporteur d'allumettes. Oh, mon Dieu. S'il vous plaît, veuillez craquer l'allumette et flamboyer le flambeau. Monsieur le Président, vas-y, mon champion. Monsieur, il n'est pas trop catholique. L'ambulance est arrivée? Non, monsieur. Appelez-moi un taxi? Non, monsieur. Pourquoi? Ben, il reste encore 1 heure. 48 minutes avant le taxi? Avant l'ambulance. Oh, on va me coucher? On va te coucher, mon petit champion. Debout? Est-ce qu'on peut le coucher debout? Oui, hein? Monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée. Georgette, arrête de rire, ma Georgette. Tu gonfles. Tu vas t'envoler comme l'hélium. Non, c'est comme le ballon à l'hélium. Tu vas t'envoler comme le ballon à l'hélium. Arrête de répéter. Avec votre court-circuiteur de réalisme, Reynald Le Néant Gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Ta-da-da! C'est beau, ça. Est-ce que tu peux recommencer? Oh, mettez Gilbert, mets de l'écho. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Ta-da-da! Merci. C'est un fiasco, la petite vodou. On vient de créer un monstre. Allumez-le. Non, éteignez-le. Allumez-le. Il est tellement allumé. Oh, il se consume par devant, par derrière, par-dessus, par-dessous. Petit lapin plein de poils partout. Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Les gens, attention! Faites plus attention, M. Tremblay, là. Je vous trouve un peu téméraire. Oh! Un peu sensible à l'ignorance. Ah! Un tantinet fluvial. Oh! Vous coulez de source. Ah, mon Dieu! Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres. Twilight Zone. Qui viendront vous chercher? Qui, Twilight Zone? Non, les extraterrestres. Hey, c'est des ovnis, ça? Une course d'ovnis. C'est des bébites volantes. Hey, on n'a jamais vu à CKRL autant de bébites volantes. Non, c'est des abeilles. Abeilles gélinos. Viendront vous chercher, viens me chercher, madame l'ambulance, non, c'est pas le temps. Pour éditer votre entité à volonté, deux volontés, pas de glace, s'il vous plaît. Brassez pas, l'hirondelle. Toi, ma belle hirondelle de mon quartier. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre, c'est moi. Qui chante Emmène-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère sera moins pénible au soleil. Quand le diable est dans les isames. T'as-tu le zizam? J'ai le zizam. Quand il est parti en ville. Hey, monsieur, tu l'as le tididam? Tididam, tididou. Tididam, tididam. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal Gagné, aujourd'hui, le vendredi 3 février 2012. 3 février, la slush, la neige, la merveilleuse saison que l'on appelle la gadou-dou-dou. Pousse l'ananas moule, pousse les nanas dans les bandes de neige, gadou-dou-dou. Pousse les nanas dans les bandes de neige, tape la pomme, tape la poire, pousse les nanas dans les bandes de neige, tape la pomme, tape la poire, pousse les nanas dans les bandes de neige. Quand la souffleuse arriva, la poupée dit c'est arrivé, à Wither du tout, les bandes de neige sont parties avec les nanas. Nanana, plus personne, nanana, plus le choix. Le succès. Nanana, plus personne. Plus personne sans toi. Ça, c'est de la chanson d'auteur qui n'est pas à la hauteur de mon grand talent et mon génie. Ah, mon doux. Ma génisse, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. On dirait que les yeux me collent. Mets des gouttes, Gaétan, mets des gouttes. Quand on fera jouer le premier bloc, on n'a pas le bloc. Mets des gouttes, c'est pas le temps de la goutte. Ah, j'ai de la goutte au nez, rentre ça dans l'œil. Et pour confions la boussole. Ça va très bien. Respire par le museau. Relaxe par la bouche, laisse les aisselles s'envoler. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les abords familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la chanteuse et comédienne Chloé Mont. Ou Chloé Mons, mais je préfère Chloé Mont. Vous mettez le S où vous voulez, vous pouvez la faire glisser. Et glisser qui? Glisser le mont. Oh! Chloé Mont est née à Lille en décembre 1900. On va se garder une petite gêne. OK, madame? Pourquoi? J'aimerais savoir. Vous voulez savoir quoi? La gêne. Ah, mon, la curieuse. Hein? Vous aimez les échos? Oui, les échos des artistes. Artistes. C'est assez d'écho, ça? Ah, mon Dieu, oui. Qu'est-ce qui arrive avec l'artiste? Il est en écho. En échographie, oui. L'artiste en échographie, s'il vous plaît. Madame Mont, Chloé. S'il vous... On vous... C'est... Bonjour, c'est Rénal Gagné, errant rénaldien, première prise, deuxième doigt. La bête devant vous, c'est moi, ça, c'est Rénal. Oui, la balle. Hein? Au Québec, on fait ça. Quand on rencontre une fille. Hein? C'est une marque d'affection. Non, je ne suis pas cinglé, madame. C'est tout à fait normal. Ça vient de la... Oh, monsieur. Ça va bien, vous? Vous êtes l'impresario de madame? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Chloé Mont est née en décembre. Née de Barnabé Bon, leader... Qui? Barnabé Mont, leader du groupe de rock... OK, sa fille, sa sœur, oui, c'est parce que je vois un point d'interrogation. Oui, c'est une question. Non, parce que c'est S, point d'interrogation, UR, mais c'est parce que ça t'est mal... C'est qui notre ferblantier qui nous écrit ça, là? Madame Thibodeau? Êtes-vous là, Madame Thibodeau? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là? Elle est où? Elle est partie. Sœur de Barnabé Mont, leader du groupe de rock psychédélique, elle devient l'égérie du photographe américain Tom Swell avant de l'épouser en... Non, attends, elle pose pas Chloé Mont à n'importe qui. Voyons donc, tu sais pas lire. Je perds mes moyens. Oh, tes moyens financiers? Non, mes moyens intellectuels. On va recommencer. Sœur de Barnabé Mont, leader du groupe de rock psychédélique, c'est trop psychédélique ça. Elle devient l'égérie du photographe américain Tom Swell, avant d'épouser en 2001 le chanteur Alain Bachung, qu'elle a rencontré sur le tournage du clip La Nuit Je Mens. Ou les faire un extrait. Ça, j'ai pas le droit d'auteur. Ça, je vais tuer la chanson. La nuit, je m'en lave les mains. Et avec qui elle enregistre pour leur mariage le cantique des cantiques sur une musique de Rodolphe Burger que nous rencontrerons un moment donné dans notre sillon des rangs rénaldiens. En 2006, inspirée par les lettres de ma fille de Calamité Jane, elle écrit et compose la ballade de Calamité Jane. Le projet ne verra le jour que grâce à la participation de son époux Alain Bachung et du guitariste et leader du groupe Kat Onama. Tout le monde connaît ça, de Rodolphe Burger toujours. Elle publie la même année son premier album solo, « Chienne d'un seul », qu'elle défend sur scène en première partie de son époux Alain Bachung de la tournée « Les grands espaces ». En 2009, elle écrit, compose et autoproduit son deuxième album. « Par la rivière », opus qu'elle définit de « punk country » et qu'elle jouera seule en formation réduite dans des petites salles en France et aux États-Unis. Son troisième album, c'est lui que nous entendrons à la fin de l'émission, s'intitule « Walking » et a été enregistré à la fin de 2010 à Kingston. Il est paru en mai 2011. Son instrument de prédilection est le ukulélé électrique. En juillet 2011, Errance Rénaldienne rencontra cette sublime artiste et vous fait partager un moment de radio très rare. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Faut-il s'arrêter ici et laisser le générique? Non, c'est la musique. Nous envoûter. Vas-y. Let's get it!

Germaine, est-ce que tu as visé ce que je t'avais dit tout à l'heure, là, la police? Parce qu'on est presque rendu. Oui, ben attends un petit peu, là. On est rendu un peu moins que la moitié. Puis je crois que notre itinérant, là, il est pas. Il vagabonde un peu trop partout, là. Puis c'est... Ouais. Oui, oui, oui. Mais tu l'as remarqué, hein? Il va de couloir en couloir. Ouais. De couloir en couloir. Ouais, ouais, ouais, ouais. Puis s'il rentre dans l'armoire, là, laisse-le rentrer, on va pencher un micro, puis on finira l'émission là-dedans. Ouais, ouais. Puis on sait que il y a plein de choses étranges dans ce. Hein? Ouais, ouais. Si tu veux placer un verre d'eau, là, ben, on veut pas qu'il meure étouffé. Hein? Ouais, ouais. Deux glaces, pas de verre. Ouais, ouais. OK. Alors là, ici maintenant, attribuons, excusez-nous, là, on est en train de faire une technicité de notre finalité. Oh! OK! On s'est. Pas comment ça va terminer, ça se termine, on ne sait pas. Mais on se doute que tout sera à fin, oui, monsieur. Jugez. Je comprends trop, mais là, c'est comme si l'écho venait de naître. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer. Notre public s'attend à tout, mais il n'y a rien, hein? Ouais, ouais. Ouais, comment ça qu'il n'y a rien, madame? Ouais, ouais. On les avait avertis avant? Non? Ah, ah, ah, ah, ah, ah. C'est inadmissible. Alors, faudrait arrêter ça là. C'est inadmissible. Oui, tu l'as dit. Oh, oui. Au début, faudrait placer un avertissement. Oh mon Dieu, ils vous connaissent. Non, ils connaissent pas ce qui peut arriver. Ah, ça, c'est personne ne le sait, non. Même pas nous. Oh, priez pour lui, priez pour nous. Ah. Il a ici maintenant attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Ah ouais, ouvre-le. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraits de son recueil Contes et nouvelles. Et hier, là, en bâillant, je me suis étiré la mâchoire pour dire que ça va mieux. Je viens de m'en souvenir en lisant ça. Là. Ben, le public, là, ils sont tellement intéressés par ton propos. Oui, merci. Vous êtes gentil. Ouais, c'est pas vrai. Oh, vous êtes flatteur. Non, c'est pas vrai. Bloc 2. Ouais. Comme un enfant, il lit tout ce qu'il voit. Le pire, c'est que c'est vrai. J'ai vu bloc 2, j'ai lu bloc 2. Bon. Il est atteint au niveau de la cervicale, hein? Troisième à gauche, tournez à droite. Oui, c'est sûr. Plongée. Alors, première phrase. Bloc 2. Le public comprend pas. Mon Dieu, Seigneur. Il s'en doute. Faut pas les diriger vers des sentiers improvisés. Oh! Alors, Vicky était une fille. Bon, déjà là, on se trompe pas, Vicky, hein? Vicky? Oui. On t'appelait Vicky? Oui. T'es mon ami? Oui. OK, Vicky, oui. T'es oui, Vicky? Oui, oui, oui, oui. Elle est dans le oui. Veux-tu m'embrasser? Non. Bon, elle n'est pas innocente, hein, Vicky? Alors, on va revenir avec ma belle Vicky. C'est à ton tour. Ma belle Vicky, c'est à ton tour de te laisser improviser. Ma belle Vicky, c'est à ton tour de te laiser... improviser. Alors, voici mon Charles. Vicky était une fille. Bon, c'est extraordinaire. Correct. OK. Ah ouais, t'es très correct, ma belle Vicky qui est à côté de moi. Oui. Alors, mais on avait nos problèmes. Ben oui, c'était moi. J'étais le problème de Vicky. Avant ça, elle était heureuse, hein, ma belle Vicky. Vicky? Vicky? Vicky? Vicky? Elle est pas là. Vicky? Oui, il est parti faire des... Comment? Du shopping! Oh, oh. Non, c'est du magasinage. Oh mon Dieu! Du niaisage, d'achetage, de rigolage, de payage, de créditage, de retournage, parce que j'ai pas de maudite scène, Vicky. C'est nos problèmes, ça, l'argent. L'amour, ça marche plus, là. Ça a fonctionné au début. Ça faisait des petites soirées, olé, olé, olé, olé, savez-vous rigoler, olé, ah, on chantait ça. Quoique, on faisait autre chose que chanter, là, quand même. Là. On interprétait des grands rôles érotisants. Oh, comme Bonnie and Mine. Oh! Comme Abbott et Mostello. Oh là là! Aurel et Marni. Oh. Et Grugeot et Mélica. Oh. Et soudain, c'est comme si... le désenchantement, un peu comme Mylène Farmer, là, hein? Merci, Mylène. Comme le désenchantement commençait à frapper. Oh, ça, Jean-Marc? Oui? Ça frappe, ça cogne. Oui, allô? Oui, ah, c'est le désenchantement. Oh là là! Ouais. Désenchantement, ça va bien? Ouais. OK. Pourquoi t'as frappé? Parce que tu veux nous dire quelque chose? Ouais. OK. Je sais qu'entre moi et puis Vicky, ça va pas très bien, hein? Ouais. Ben, tu vois ça depuis 2 ans et demi? Ouais. Ben, au début, ça allait bien. Hein? Je te l'ai dit. On s'aimait, on se racolait, on s'embrassait, on se bécotait, on se collait, on se lavait, puis on se décollait. Tu te souviens de ça? Ouais. Bon. Excuse-moi, je pompe. Il n'y a pas de pompe ici, non? Je veux dépomper, madame. Rita. On n'a pas de pompe. Ah, ben, ça va bien, vous? Ouais. Les enfants vont bien? Ouais. Bon, moi aussi. Ah, ben, en fait, on n'a pas eu d'enfants, mais parce qu'elle achetait tout le temps. Et le premier jour, elle a commencé à décompresser dans le portefeuille. Là. Elle m'est arrivée avec 2 poissons rouges. Je suis allergique aux poissons rouges, moi, là. Parce que souvent, quand je prends mon bain, je me prends pour le poisson rouge. Puis elle s'imaginait que ça allait me rendre heureux. Puis moi, ce que je voulais, c'est qu'elle soit pour moi, hein, tributaire de ce que je voulais propager auprès de ses fantasmes. Et monsieur... On n'a rien compris. Avez-vous compris, vous? Oui. Ah oui, bon. Hé, hey, mon Dieu, vous êtes dans l'eau de l'Oz? Oui. Ah, c'est pour ça. Tout le monde de l'eau de l'Oz saisit ses rentrées canadiennes. C'est les gens qui sont en basse qui ne peuvent pas... non, on va pas y aller dans le noyau. Ouais, il fait trop chaud, hein? Oui. Est-ce que c'est bouillonnant? Oui. Comme mon cerveau. J'ai toujours dit qu'il y avait quelque chose là-dedans, là. Je sais pas quoi, là, mais ça chauffe, là. Hein? C'est un coup de soleil intellectuel, moi, là. Je suis en train de brûler au 3e degré. Là. Ça sent, là. Hein, ça sent, hein? Ouais. À part ça, aimez-vous ça, ce que vous entendez, là? Ouais. Vous êtes bien gentil parce que ça se reproduira pas 2 fois. Hein? Je me souviens même pas d'où on est parti, là. Ouais. Vous, est-ce que avez-vous de l'imaginaire, vous? Ouais. OK, mais elle est classée dans les 3 couches, hein? Ouais. OK, la première couche, c'est la couche molaire ou solaire pour les intimes. Ensuite, c'est la couche prépubère. Et ensuite, c'est la couche souterraine. Ouais. Hey, on en dit-tu des choses à notre public, hein? On les éduque. Quoique, Vicky, quand elle m'a amené les poissons rouges, là, je l'ai mal pris, puis j'ai dit, rentre-moi dans le sac en plastique comme les poissons rouges, sors-les eux autres, là, mets ça dans le baignoire, ces insignifiants-là, puis rentre-moi dans le sac en plastique, puis retourne-moi à l'animalerie. Puis là, elle a dit, tu te prends-tu pour... Oui, je me prends pour. Elle était gênée. Elle a dû me ramener dans une grosse piscine parce que je suis un gros bedonnant, une grosse piscine. Là, devant le vendeur, il a dit « Qu'est-ce que c'est? » « C'est mon gros poisson. »« Votre gros poisson? Vicky, votre gros poisson? »« Mon gros poisson. Pouvez-vous le prendre? »« Ben non, on ne peut pas. On reprend rien. »« Ben, vendez-le. Ça vaut pas cher. »« Ben non. »« Mangez-le. Il aime ça. »« Oh, mon Dieu! » I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call her up in rest of time and you say you belong to me, I lose my mind. Imagine how the world could be so glorified, so happy together. Just like a big rock. Bye-bye.

Après, il y a un travail d'arrangement avec le musicien qui se fait naturellement, mais je compose. Oui, je fais tout. We have now a special request. Now you better leave the lights on stage because we have to read this music. We've never played it before. Thank you. in my garbage can. Cold metal gets in my fur and my attitude. Yeah. Through my hide in a automobile, heard a song called Drive a Wheel. Truckers, trailers, tractors caught me working. This is the song of my heritage, from the bad to the brutal. Cold metal, that's what it be. Cold metal, from sea to sea. Cold metal, it's how we win, and also how we sin. How we sin, how we sin, how we sin, how we sin. Oui, mais je tiens à dire à mes auditeurs que j'ai eu... Ça les intéresse pas? Ben oui, mon petit coin de... Oui, ton petit coin secret. Mon petit jardin secret. Ben non, ils veulent rien savoir. Ben voyons. J'ai eu un accident de voiture aujourd'hui. Ah oui? Oui, ben j'ai pris un taxi. Oui. Puis le taxi est venu pour tourner sur ma rue sans voir qu'il y avait un véhicule qui arrivait, heureusement, assez lentement, mais il nous a rentrés dans le museau. Ah, mon Dieu! Et puis? Il y a eu un choc. Oui. Entre les deux véhicules. Oui, et puis toi? Ah, moi, j'ai pas de séquelles. Ah, moi, j'ai pas de séquelles. Ah, moi, j'ai pas de séquelles. Ah, moi, j'ai pas de séquelles. T'es-tu certain? Ah non, moi, j'ai pas de séquelles. Moi, j'ai pas de séquelles. Moi, j'ai pas de séquelles. Moi, j'ai pas de séquelles. Séquelles, séquelles, séquelles. Ça fait le pow! Là, je suis sorti du véhicule, titubant. Là, j'ai payé mon chauffeur de taxi, j'ai dit merci, et je suis sorti du véhicule en montant ma côte de la Canatalie à pied. Et c'est quand je prends un taxi, c'est pour pas monter la côte. Et là, l'accident s'est fait en bas de la côte. Alors, j'ai dû monter la côte en titubant. Non, pas madame la juge. Oui, M. Gagnon, on vous écoute. Non, mais oui, mais... Oui, ouais, je vous sens arrêté avec le crayon. Je suis arrêté avec le crayon. Et je vous écoute. Oui, bien, c'est ça, c'est que j'ai monté, vous montiez vers, ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, la rue Canoterie. Oui, Canoterie, dans le Vieux-Québec. Oui. Le Vieux-Québec, c'est là où les rues ont l'air d'avoir l'accent, où les sentiers ont les pieds secs. Là. Mais en tout cas, bref, je voulais monter la Canoterie. En fait, j'ai monté la Canoterie et je titubais. J'étais en état de tituber parce qu'il y a eu une collision là, à Badagne. Je vous dis, deux véhicules, là, des mastodontes. C'était gigantesque dans ma tête. Là. Oui, mais sinon, ben, dans la réalité... Oh, dans la réalité, c'était deux véhicules. Là. Oui. Qui se sont tamponnés, mais par le devant. Moi, j'aime ça quand ça se tamponne vers le devant. Oui. Ben, tu peux tout voir, là. Par en arrière, tu vois rien. Par en avant, je... oh, là, tu vois que ça passe! Mais il n'y a pas de séquelles. Mais il n'y a pas de séquelles. Mais il n'y a pas de séquelles. OK, mais hey, sinon... Ben, c'est ça, monsieur, madame... Vous êtes une madame? Oui. Ben oui, OK. Je monte... on le sait. Bon, je monte en titubant. Mais je n'étais pas en état de réalité. Oui. J'étais en état de choc. OK. Donc, choqué! J'ai franchi la rue, j'ai franchi ma rue, et j'ai franchi... Oui. Dans le U, il y avait une ouverture, OK? Et comme le mentionnait Jim Morrison, vas-y, prends-le l'ouverture. Ben oui, je merci. Vous l'aviez senti, hein? C'est... Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance canadienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Oh mon, un accident. Oui, monsieur. L'ambulance? Non. Les pompiers? Non. La police? Non. Des femmes? Oui. Bon. Cette semaine. Des femmes, pourquoi? Pour sauver mon âme. Cette semaine? Ils peuvent pas sauver, il est déjà trop tard. Ben, il est 1h02 du matin. Il est 1h02. On se la cherche à deux. On se la cherche à deux. La minute qui s'afflige à tenter de vivre. À tenter de vivre, mon moineau. À tenter de vivre. Sous la plus haute branche de l'ossignol, chanter. Chante mon ossignol. Comment? Je reprends. Est-ce que j'ai le doigt? Oui, vous aviez le doigt. Chante mon Hey, monsieur, chante qui? Chante mon rossignol. Chante mon rossignol. Chante toi qui es le plus gai. Cette semaine, est-ce que je peux le dire? Oui, mais dites-le, madame. OK. Cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons. C'est pas vrai. Le public qui m'écoute. Mes fans qui me désapprouvent, les gens qui déchirent leur carte d'errance rénadienne, les gens qui veulent plus rentrer membre de CKRL. Je ne suis qu'un... Excusez-moi. Ce que j'ai fait à ma patrie. Ah, oh, mais pas grand-chose. OK. Éplucheront, déshabilleront, poursuivront, élèveront à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe musée. On est rarement amusé de rentrer dans un musée parce qu'on dirait que le savoir, on a peur. On a peur que ce que l'on nous montrera nous dépasse. Qu'on ne comprenne pas. Qu'on devienne ignare devant une œuvre, devant un artiste, devant une démarche, devant une façon d'évacuer l'imaginaire et la réalité. On craint. Au contraire, il y en a certains qui franchissent les murs d'un musée en étant amusés de voir tout ce que les autres interprètent de la réalité à leur place. Le décodage, une autre vision, une autre compréhension. Une autre observation. Oui, mais là, c'est très sérieux puis c'est très vrai ce que vous dites là, monsieur Grenier. On est comme... Ah non? Ben oui, on est comme à la recherche du temps presque perdu. Ah non? Ben oui, Marcel. Vous connaissez Marcel, madame? Ah non? Ben ou non? Ben voyons donc, Marcel était passé au musée Saint-André la semaine dernière. Savez-vous ce qui... Ah non? Non, il était là. Oui, non, oui, peut-être, oui. Ah non? Oui, je vous le dis, mais en vérité, je vous le oui. Hein, je vous le... Comment? Je vous le dis. Je vous le mi, je vous le mime. Non, je vous le dis, monsieur, madame, vous êtes là? Ah non? Bon, vous êtes absente? Ah non? Bon, vous êtes présente. Alors, donc, dans le musée... On était en train de rigoler devant la grande fresque de Muriel Millard. C'était un clown. C'est un clown. On aime ça voir des espèces de gros nez rouges, là, hein? Il y a quelqu'un. Il y a un commis d'épicerie qui m'a dit à propos de quelqu'un là, qui fait de la radio, mais le jeudi, là, quelque part dans la journée. Là. Y a-tu tombé dans un. Comment il a dit ça? Y a-tu tombé dans un baril de. Un baril de bière? Là? Je le regarde d'un air étonné en riant, en sachant un peu ce qu'il voulait m'amener comme vision. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben oui, t'as-tu vu le nez rouge? Hey, le jour où je vais boire autant pour afin de. Hein, le jour! Ben là, c'est la nuit. Ben la nuit où je vais atteindre le nez rouge, je pense que je vais m'arrêter. De quoi? D'avoir le nez rouge? Mais. Non, mais juste un petit peu, une seconde avant, oui. Avant que le houblon me monte au nez, OK? Je vais arrêter, OK? Puis lui, il n'a pas arrêté. Donc, il est tombé dans une cuve. Ah, oh, mon, t'es drôle. Je pense à la même chose. Il travaille dans une radio commerciale. Oh! Céréales FR. Oh! FR qui? FR nous! Ah non? Ben oui. Vous ne me croyez pas? Ah non? Moi non plus. Je sais que vous ne me croyez pas, là, mais même si vous êtes dans l'ambivalence intellectuelle, là, le mot musée, mon cher Grévin. Ah, moi c'est Grévin. Mon cher Grévin, t'es en cire? Non, je suis en béton de cire, en béton de thon, en béton de thon. Ah, ça sent, c'est pour ça, c'est, oui, c'est du thon avarié. Ah, man. Des fois c'est beau, des fois c'est pas beau. Non, j'ai pas dit varié, j'ai dit avarié. Ah. Ouais, alors, musée, château symbolique de la francophonie, allons-nous le placer? Oui, parce que nous sommes des êtres artistiquement ouverts. Ouvert, vert. OK, êtes-vous ouvert, vert? Oui, vert, toutes les couleurs, vert, toutes les originalités. On y va. On le place. Maintenant. Pour éteindre le feu au cul de Marilou, un soir n'en pouvant plus de jalousie, j'ai couru au couloir de l'hôtel décroché de son clou, l'extincteur d'incendie. Cylindre d'acier. Je frappe. Paf. Et Marilou se met à geindre. Un sang vermeil, identique au rouge sanglant de l'appareil. Elle a sur le lino un dernier soubresaut, une ultime secousse. J'appuie sur la manette. Le corps de Marilou disparaît sous la mousse.

Avec Alain, bah, moi je sais que ça a toujours été ça en première partie d'Alain, c'est que il y a des gens qui adorent, il y a des gens que ça dérange profondément. C'est ce qui est très bien. Ce qui est parfait dans l'époque actuelle où tout est mièvre. Oh oui. Non, je suis pas provocante, okay. Parce que je fais pas les choses pour choquer. Okay. Par contre, je fais pas de compromis. C'est-à-dire que si ça plaît pas, bah, tant pis. Mais moi, je reste comme je suis. Mais je fais jamais de choses pour choquer, ça m'intéresse pas. Okay. Mais par contre, je vais pas faire des compromis sur mes vraies valeurs pour plaire. Ça, non. Ça, c'est pas possible, par contre. Ça, c'est vraiment pas possible. Je le ferai jamais. Mais par contre, faire des choses que pour choquer, ça m'intéresse pas. Non, je fais de la musique. J'ai quand même... Enfin, je veux dire, dans l'absolu, moi, j'adorerais vendre plein de disques et que ma musique soit adorée et écoutée partout. Enfin, je suis pas maso. Tu laisses un peu d'espace dans la musique actuelle? Est-ce qu'on diffuse? Quoi, tu comptes laisser... J'ai pas à me plaindre parce que la distribution est bien faite. J'ai beaucoup de presse. Je suis très heureuse de tout ça. Hein. Maintenant, c'est pas... Est-ce qu'on m'en laisse à moi? Qu'est-ce qu'on laisse aux vrais artistes? Pas la musique en ce moment. C'est plus une vision globale de ce milieu, ouais. Et d'un monde qui est en pleine mutation, ça pose beaucoup d'interrogations. Hein. C'est comment vivre, comment gagner sa vie. Ouais. Comme Marie-Lou danse reggae, ouvrir braguette et prodiguer, salutations distinguées, de petits serpents catangués. Quand Marie-Lou danse reggae, sur Marie-Lou passer à gué, beaucoup caressé et endigué, spermatozoïdes aux aguets. Faire le gay, changer vitesse, changer braquet, et décoller avion brégué. Quand Marie-Lou danse reggae, elle et moi plaisir conjugué. En Marie-Lou, moi seringuer, faire mousser en meringué. Se déglingue, c'est à peine si je distingue les balises du terrain où je me pose en casse-cou. J'alanguis dans la nuit buccale où je vais transiter un coup, serais-je chez les cannibales? Une haleine de pipermate m'envahit le cockpit. Dingue, dingue, je me sens vibrer la carlingue, se dresser mon manche à balou. Dans la tour de contrôle en bout de piste, une voix cunilingue me fait glou-glou. Je vous reçois 5 sur 5. Mais qu'est-ce que c'est que ce trou? Perdu, suis-je en pays zoulou? Mais non, voyant, suis-je dingue? Je suis à Marilou. Si tu peux enlever le... Oui, William Scheller, oui. Bravo. Parf. L'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. La lumière nous a lâchés presque. Les gens l'entendent. Ah oui, ils entendent la lumière. Oui. Ils entendent la lumière. Ils entendent. Ils ont de la misère à t'entendre, à te comprendre surtout. Ah, le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien, une consonance de l'esprit. J'aime pas ça, moi, là. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mais même si t'aimes pas ça, c'est ça. Oh, mon dieu. Dans le ça des ça? Dans le ça des très ça. Ah! Dans l'eau de l'Az. Dans... Ouais, on le dit souvent, ça. On va couper ça. Couper au troisième degré, s'il vous plaît. Non, c'est brûlure au troisième. Non, couper au troisième. Ça veut dire qu'il y a 3 bandes, hein? Première bande, on entend. Deuxième bande, on entend presque. Et troisième bande, on n'entend rien. Troisième bande. Premier doigt, troisième bande. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir. On aime ça, c'est oui. C'est quoi, c'est ça? C'est quoi la chanson du Moussaillon, là? On n'a pas la chanson. On n'a plus, là. On non. Nous, OK. Alors, donc, allons s'asseoir vers les couloirs de l'improvisation avec Sophie Lariane narratif. La tu sais, le petit moussaillon là, qui marche sur la... Non. Elle lui laisse. Les gens ne comprennent pas. Ben, OK, le couloir de l'improvisation, le fil Ariane, c'est celui-là. Celui-ci, ce que je vais vous dire. Alors, on a arrêt sur image. Oui. Tombouctou. Oh, non, c'est Trois-Rivières. Oh, c'est mieux Tombouctou, moi. C'est plus exotique. Oui, mais l'exotisme ici, là, ça n'a pas sa place. Là. Ben, voyons, hey, on est avec Loémon. Ça, c'est de l'exotisme. Ah, ça, c'est, t'as entièrement raison. Alors, on y va. Elle lui laisse glisser sa vision sous des interdits inédits. Oh! La moitié a été entendue, l'autre a été surmonnée. C'est qui? Surmonnée. Surmonnée? Murmurée. Murmurée, surmonnée, murmurée. Ben, c'est pas la même chose, là. Murmurée. OK, murmurée. On y va. Elle lui laisse glisser sa vision sous des interdits inédits. Et lorsque la nuit apparut, tout le monde agonisa. Agonisa. Hey, si t'as des difficultés à conjuguer, reste donc au présent. Ouais, mais là, pour amener un peu des... Ouais, arrête d'amener, puis propose. Oh, mon Dieu, moi, je propose une chanson à deux. Oh, mon Dieu, ça, c'est pas gagnant. C'est comme le karaoké. Ouais, le karaoké, là, tout le monde connaît ça. C'est lorsque tout le monde s'amène vers une même mélopée et corresponde souvent aux paroles qui sont écrites à l'écran, là, comme des imbéciles, ils le disent. Là. Isabelle. Ben oui, arrête de dire non. Isabelle, non, Mano, troubadour, mon amour. Ben, c'est pas beau, ça, là. Le karaoké, il faut connaître un peu la mélopée, il faut avoir du rythme, il faut presque être chanteur. Sinon, ça peut être un désastre. Comme ce que tu fais à ton émission. Oui. Merci de le souligner. Ben, moi, j'aime bien ça, te l'apprendre rapidement et sans contre... Indication. Oh mon Dieu, c'est comme des médicaments. Oui, il y a des contre-indications. Là. C'est bien écrit ici, là. Troisième alinéa, en bas de ton doigt. Oui. Si tu cherches à comprendre, tu ne résulteras de rien. Oh! Et ça veut dire? Je ne sais pas. Moi, je lis et je ne comprends pas. C'est comme les livres de Étienne Paré. Oh mon Dieu, vous avez lu toute l'œuvre d'Étienne Paré? Ben, en fait, la moitié de l'œuvre, là. 2 pages et demie. Il a fait combien d'œuvres dans son existence, lui? Il a fait 6 pages. 6 pages? 6 pages d'incompréhension. Homme! C'est quand même beaucoup, hein? Homme! Même les universitaires n'arrivent même pas à savoir si le livre est à l'endroit, à l'envers, sur le dessus, sur le dessous. C'est sans dessus-dessous et c'est sans dessin. Ah, oh, il n'y a pas de dessin là-dedans? Non, c'est juste des mots, puis pas de points, pas d'interrogation, pas de guillemets, pas d'exclamation. Il y a un vide absolu, c'est lui-même se qualifie comme un néant. Oh! Un néandertal. Ah! Ça s'est jamais entendu. Ben, surtout lu, hein. Si les gens trouvent que Marguerite Duras, c'est quelque chose d'abscon, oh, de singulier, oh, d'étrange et d'impropre à la communication commune. Ah, c'est pas vrai. Non, j'espère que non. Marguerite Duras, c'est comme un ruisseau qui coule lentement vers notre inconscient collectif et nous ramène des effluves d'images et de magie à travers les mots qu'elle exulte sans aucun compromis. Hey, c'est bien dit! Oh, j'adore Marguerite Duras. Tu lui donnes un beau, un bel hommage. Oh mon Dieu, c'est dommage qu'elle ne soit pas là pour l'entendre. Non, mais ben, peut-être que c'est mieux. Hein? Les yeux classes vont souvent par deux. Les filles qui passent sont tout un amoureux. Et quoi que je fasse, il sera toujours mieux. Oh, les filles qui passent. Les filles qui passent ont toute une histoire. Et un grand lit où elles dorment le soir. Les filles qui passent ne font pas de cauchemar. Et elles ne cassent jamais leur miroir. Oh, les filles qui passent. Oh, les filles qui passent. Et elles vont, elles viennent, elles repassent au long de la semaine. Différentes ou les mêmes, indifférentes, allez-moi qu'elles s'aiment. Les filles qui passent, les filles qui passent. Passe sa vie toujours bien. Rien ne dépasse et tout se tient. Les filles qui passent ont un joli teint. Et tellement de classe dès le matin. Oh, les filles qui passent. Bien en face, lui dire d'une voix qui se casse. Je vous en prie, prenez place. Oh, est-ce au-dessus de mes forces? Respirez, bombez le torse. Et dire en anglais ou en morse. Ce qui bat là sous l'écorce. Aux filles qui passent, aux filles qui passent. Mais elles rient, elles courent vers des destinations inconnues. Et j'appelle au secours, mais jamais encore une ne m'a vu. Oh, elles vont, elles viennent, elles repassent au long de la semaine. Différentes ou les mêmes. Allez-moi qu'elle t'aime. Les filles qui passent. Les filles qui passent. Les filles qui passent depuis quelque temps. C'est pas que je m'en lasse, mais j'ai moins de temps. C'est moi qui passe très vite maintenant. Je laisse ma place car tu m'attends. Okay, je suis toujours moi-même. Okay. Toujours moi-même, donc ça me pose pas de problème. Mais par contre, pour bouffer de ce qu'on fait, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Ah bah ouais. c'est incroyable. Moi, je suis productrice. Alors, dépenser de l'argent pour exister, je peux vous dire, j'en dépense. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est des brouettes d'argent dans la rue. Hein. C'est que ça.

natives. They came from there. They crossed the ocean on a slow, slow, slow and green, green lines. A slow, slow, slow and green, green lines. They came from there. They crossed the ocean on a slow, slow, slow and green, green, green lines. A slow, slow. And if I look like a crocodile, well, that's what I am. And if I look like a crocodile, well, that's what I am. That's what I am. Toi, tu connais-tu la parler populaire? Des élèves, des ruelles, pis des caisses populaires. Ce n'est pas une langue chantier. C'est la langue des chats. Moi je parle comme je l'ai appris. Je parle comme mes voisins quand j'étais petit. C'est pas du français international. Moi ce que je parle, c'est le cheval. C'est bon le cheval. C'est sa coche. C'est bon le cheval. Astique sa torche. C'est bon le cheval. C'est malade mental. Faut que ceux-là qui disent qu'on parle mal. C'est bon le cheval. À côté tête. C'est bon le cheval. Faut qu'il y ait dans tête. C'est bon le cheval. Un diamant en plywood, gossé avec un couteau de pêche. C'est un tabarnak de bon coup de coude, d'un con, toute la langue française. Le joual, c'est des sacs en masse, avec des mots anglais juste à bonne place comme. Hey man, t'aurais-tu une smoke? Mais pas trop quand même, on est pas des blocs. On est pas des blocs. C'est bon le joual. Ça garoche. C'est bon le joual. Ça clenche en masse. C'est bon le choix. Ça fesse dans le dash. Faut que ceux-là qui disent qu'on parle mal. C'est bon le choix. On va ouest, on va ouest. C'est bon le choix. Et si tu veux la guerre. C'est bon le choix. Ben tu veux la ouais. Faut que ceux-là qui disent qu'on parle mal. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.